La Bible David Martin 1855. Le livre de Sophonie le prophète. Sophonie chapitre 1. C'est ici la parole de l'Éternel, qui fut adressée à Sophonie fils de Chuzi, fils de Guédalja, fils d'Amarja, fils d'Ézéchia, du temps de Josiah, fils d'Amon, roi de Juda. Je ferai entièrement périr toute chose de dessus cette terre, dit l'Éternel. Je ferai périr l'homme et le bétail, je consumerai les oiseaux des cieux, et les poissons de la mer, et les ruines arriveront aux méchants, et je retrancherai les hommes de dessus cette terre, dit l'Éternel. J'étendrai ma main sur Juda, et sur tous les habitants de Jérusalem, je retrancherai de ce lieu-ci le reste des Baalins, et les noms des prêtres des faux dieux, et les sacrificateurs. Et ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, et ceux qui se prosternent devant l'Éternel, jurent par lui, et qui jurent aussi par Malcham. Et ceux qui se détournent de l'Éternel, et ceux qui n'ont point cherché l'Éternel, qui ne l'ont point recherché. Tais-toi, à cause de la présence du Seigneur, l'Éternel, car la journée de l'Éternel est proche, l'Éternel a préparé le sacrifice, il a invité ses conviés. Et il arrivera au jour du sacrifice de l'Éternel, que je punirai les seigneurs, et les enfants du roi, et tous ceux qui s'habillent de vêtements étrangers. Et je punirai en ce jour-là tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, et ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. Et en ce jour-là, dit l'Éternel, il y aura de grands cris vers la porte des poissons, et des hurlements vers la seconde ville, et une grande désolation vers les coteaux. Vous qui habitez dans Macaé, hurlez, car tous ceux qui trafiquaient, ont été défaits, et tous ceux qui apportaient de l'argent, ont été retranchés. Et il arrivera en ce temps-là, que je fouillerai Jérusalem avec des lampes, que je punirai les hommes qui sont figés sur leur lit, et qui disent en leur cœur, l'Éternel ne nous fera ni bien ni mal. Et leurs biens seront au pillage, et leurs maisons en désolation, et ils auront bâti des maisons, mais ils n'y habiteront point, et ils auront planté des vignes, mais ils n'en boiront pas le vin. La grande journée de l'Éternel est proche, et elle se hâte fort, la journée de l'Éternel n'est que bruit, celui qui est en amertume, crie de toute sa force, là sont les hommes forts. Cette journée-là est une journée de fureur, une journée de détresse et d'angoisse, une journée de bruit éclatant et effrayant, une journée de ténèbres et d'obscurité, une journée de nuée et de brouillard. Une journée de cornets et d'alarmes contre les villes munies, et contre les hautes tours. Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel, et leur sang sera répandu comme de la poussière, et leur chair comme de la fiente. Ni leur argent ni leur or ne les pourront point délivrer en la journée de la fureur de l'Éternel, et tout ce pays sera dévoré par le feu de sa jalousie, car il se hâtera de consumer tous les habitants de ce pays.